esquivant les flaques. Les papilles se déploient comme les ailes. La foule se rue évitant les obstacles. Vers un abri plus vite que l'horizon. Ballon bas de novembre et bien d'attaque. Les papilles au-dessus de leur tête. Stop ces larmes qui percutent et qui claquent. Quand pleure le ciel. Au gré du vent, au gré de la tempête. Les parapluies se déploient comme les ailes. La foule se rue évitant les obstacles. Vers un abri plus vite que l'horizon. Ballon bas de novembre et bien d'attaque. Les parapluies au-dessus de leur tête. Stop ces larmes qui percutent et qui claquent. Qui claquent, qui claquent, qui claquent. Oh, oh, oh. Vers un abri plus vite que l'horizon. Ballon bas de novembre et bien d'attaque. Les parapluies au-dessus de leur tête. Stop ces larmes qui percutent et qui claquent. Qui claquent.